Tout de suite, c'est les sciences sur France Culture. Vous retrouvez Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme chaque lundi, on se plonge dans l'humain et la santé. Depuis hier, il n'y a plus de quotas sur la production de sucre dans l'Union européenne. Des quotas appliqués depuis 50 ans qui avaient pour mission de garantir et de réguler la production de sucre au sein de l'Union. Outre les problèmes d'organisation de la filière et les inquiétudes autour du prix de revient de la tonne de sucre, cette dérégulation rappelle la nature extrêmement lucrative de l'industrie du sucre en France, premier producteur européen, et dans le reste du monde. Bien que de plus en plus de voix dénoncent non seulement la dangerosité du sucre, mais aussi notre dépendance collective. Sucre, la dose de trop, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver nos deux invités pour évoquer toutes les questions de santé publique notamment et l'état de nos connaissances sur l'impact du sucre sur notre organisme, eh bien c'est la semaine des prix Nobel. Le premier a été remis tout à l'heure en fin de matinée. Il s'agit du prix Nobel de médecine attribué à trois chercheurs américains, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach et Michael W. Young, pour leurs travaux sur le contrôle des rythmes circadiens. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors on fait le point avec vous, expliquez-nous tout sur ce prix Nobel de médecine 2017. Oui, alors le rythme circadien, déjà, c'est notre horloge interne un peu qui régule la plupart de nos fonctions biologiques, comme le sommeil, la vigilance ou la température corporelle. Et depuis des années, on savait déjà que tous les organismes vivants, comme les plantes, les animaux et les champignons, possèdent un système basé sur un rythme circadien pour s'adapter à l'alternance du jour et de la nuit, mais sans vraiment comprendre les mécanismes fins au niveau moléculaire. Ces choses faites grâce aux travaux des trois Américains, qui remontent déjà aux années 1980. Ils avaient commencé à l'époque à travailler sur la mouche drosophile et rapidement, ils avaient pu identifier derrière le rythme circadien l'action d'un gène, mais l'explication n'était pas complète. Le problème a été finalement résolu quand Michael Young a découvert le rôle d'autres gènes qui étaient impliqués derrière. Écoutez l'explication de Serge Birman. Il est directeur de recherche CNRS au laboratoire plasticité du cerveau à l'ESPCI. D'abord, il y a une chose importante à préciser, c'est que ces travaux ont été effectués chez un organisme modèle qui est très utilisé pour beaucoup de choses depuis le début du XXe siècle, qui s'appelle la drosophile. Et un chercheur qui s'appelait Seymour Benzer a eu l'idée de rechercher chez la drosophile des gènes qui contrôleraient le rythme circadien. Et c'est comme ça qu'il a identifié en 1971 le premier gène des rythmes circadiens qui a été appelé période. Les chercheurs qui ont suivi, en particulier Jeff Hall qui s'est formé en partie dans son laboratoire, Michael Rosbach et Michael Young, et puis d'autres, mais ont identifié à la fois la structure, la séquence d'acides aminés et la structure du gène période, le gène initial, et aussi d'autres gènes qui sont très importants pour contrôler au niveau moléculaire le rythme circadien. Donc ça, c'est la première chose qu'ils ont faite, qui a pris beaucoup d'années. Et ensuite, ils ont aussi identifié les cellules du cerveau de la drosophile qui sont très importantes pour ce qu'on appelle la rythmicité, c'est-à-dire dont l'activité contrôle et rend compte du rythme circadien chez cet organisme. Ce qui fait qu'en fait, si vous mettez une drosophile ou même un homme dans le noir complet pendant des jours et des jours, eh bien, on continue à avoir un rythme circadien régulier. En fait, ils ont découvert une boucle de rétrocontrôle négative au niveau moléculaire dans les cellules, on appelle les cellules de l'horloge, qui sont les cellules du cerveau qui contrôlent le rythme circadien. Ce cycle, c'est un cycle en fait de synthèse et de dégradation de ces molécules au cours de la journée qui entraîne toute une séquence de mécanismes qui, à la fin, font que les animaux sont actifs dans la journée et dorment la nuit. Ces auteurs ont aussi identifié le rôle de molécules très importantes comme le cryptochrome qui servent à synchroniser l'horloge interne avec l'environnement, puisque non seulement il y a une horloge interne, mais il ne faut pas qu'elle marche comme ça à vide, sans s'occuper de ce qui se passe autour. Et donc ce rythme, il y a aussi tout un mécanisme moléculaire qui permet de synchroniser l'horloge moléculaire au rythme extérieur. Et donc ces auteurs ont aussi découvert ça. Avant ces travaux, on ne savait rien. On savait depuis très longtemps qu'il existait un rythme endogène circadien chez l'homme et chez les animaux, mais on ignorait complètement quelles en étaient les bases moléculaires et comment même tout cela pouvait être contrôlé. Et c'est grâce aux travaux de Seymour Benzer et de ces trois chercheurs qu'on a pu comprendre comment ça se passe au niveau moléculaire et s'apercevoir que chez l'homme, il y a un mécanisme très similaire qui fait intervenir pratiquement les mêmes agents moléculaires. Donc en fait, tout cela est très conservé au cours de l'évolution, et c'est pour ça que les études qui ont été effectuées sur cette petite mouche ont une très grande généralité et ont permis enfin de comprendre quel était le mécanisme de contrôle du rythme circadien, qui a des importances énormes à la fois pour la vie normale, l'adaptation au monde qui nous entoure, mais aussi pour le contrôle du sommeil. Il y a des interactions avec le sommeil très importantes et avec aussi un grand nombre de maladies, puisqu'il y a beaucoup de maladies neurodégénératives, ce sont plutôt les choses que moi j'étudie, qui affectent le rythme. C'est-à-dire, si vous prenez la maladie de Parkinson, les gens qui ont la maladie de Parkinson ont très souvent des problèmes au niveau du sommeil qui sont vraisemblablement associés à des défauts au niveau du contrôle du rythme circadien. Et si on perturbe le rythme circadien, ça entraîne des problèmes de dysfonctionnement au niveau cérébral, etc. Donc c'est très très important, et à la fois pour la compréhension du vivant et pour la santé humaine. Voilà pour ce prix Nobel de médecine 2017, attribué donc aux trois Américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, pour ces travaux consacrés au rythme circadien. On se retrouve demain en début d'émission, donc à la même heure, pour le prix Nobel de physique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et notre émission du jour est donc consacrée au sucre, notamment suite à la levée des quotas de production sucrière dans l'Union européenne, entrée en vigueur hier, donc pour parler du sucre, de son industrie, de sa dangerosité et des politiques publiques qui l'encadrent. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Françoise Burnol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS dans l'équipe signalisation de l'insuline et du glucose, glucotoxicité, dans le département d'endocrinologie, métabolisme et diabète de l'Institut Cochin à Paris. Nous avons également le plaisir d'accueillir Bernard Pellegrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, ancien directeur adjoint de l'information à l'agence France Presse, et vous êtes auteur de ce petit livre tout à fait précieux, Sucre, enquête sur l'autre poudre, aux éditions Taillandier. Vous pouvez, comme d'habitude et comme chaque jour, suivre cette émission sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Un petit mot peut-être pour commencer sur cette actualité de la levée des quotas de production. Est-ce que ça va avoir une conséquence pour les citoyens sur la consommation de sucre, sur l'industrie de manière plus générale, Bernard Pellegrin ? Sur les citoyens, je ne sais pas. Sur l'agroalimentaire, très vraisemblablement, puisque là, il va être possible d'utiliser du sucre autant qu'on en veut. Et il y a de grandes chances que ça pousse un peu les industriels de l'agroalimentaire à en rajouter une petite cuillère. Est-ce que ça va plutôt dans le sens inverse, puisqu'on va en parler au cours de cette heure, mais la doxa a légèrement changé autour du sucre depuis quelques années. Les pouvoirs publics ont publié un certain nombre de messages de prévention. On sait que maintenant, non, trop de sucre, c'est pas très bon. Comment expliquer cette espèce de levée de quotas à contre-courant, en quelques mots ? Les lois économiques ne sont pas forcément les lois des scientifiques ou des responsables en charge de la santé publique. Ce qui est vrai, c'est que dans les pays consommateurs de sucre de façon intensive depuis plusieurs décennies, on a plutôt tendance à en consommer moins, à suivre les avis, à savoir que trop de sucre, c'est dangereux. Le problème, c'est que le reste de la planète qui en mangeait pas s'est mis à en manger beaucoup. Peut-être un mot sur la filière que vous avez examinée. Alors, on va parler tout à l'heure des lobbies, de l'industrie agroalimentaire essentiellement. Est-ce que c'est pas les producteurs qui risquent, comme souvent dans ces levées de quotas, d'être le dernier maillon de la chaîne, d'y perdre le plus en augmentant leur rendement, quitte à voir le prix de la tonne de sucre baisser? Alors, les betteraviers sont pas exactement ce qu'on appelle des petits paysans. Mmh. Donc, je pense que les betteraviers vont pouvoir s'y retrouver. Oui, c'est sûr, les cours vont être libres. Donc, à partir du moment où les cours sont libres, c'est plus difficile de pouvoir adapter la production, etc. Mmh. Puisqu'avec la levée des quotas, le prix de la tonne de sucre n'est plus garanti. Absolument, voilà. Absolument. Mmh. Absolument. Mmh. Bon, on va évoquer hein, toute cette industrie sucrière du début jusqu'à la fin de la chaîne et jusqu'à l'assiette du citoyen. Et on va voir que il y en a beaucoup, il y en a partout et même dans des produits qui ne se mangent pas forcément. Mais il y a beaucoup de cachets surtout. Vous allez nous dire tout ça, Bernard Pellegrin. Peut-être repartons depuis le début. Je me retourne vers Anne-Françoise Burnol. On parle de sucre, on dit le sucre, comme souvent. Hein, il faut mettre tout ça au pluriel. Quel est le socle commun du sucre au singulier? Alors, le sucre, il faut savoir que c'est en fait une molécule énergétique et qui fait partie avec les protéines et les lipides. Ce sont les trois éléments qui peuvent apporter de l'énergie à l'organisme. Alors, les glucides, puisque c'est les sucres, c'est les glucides, sont à la fois des glucides complexes, tels que l'amidon, et les sucres plus simples, c'est ceux auxquels on pense le plus quand on parle de sucre, ceux qui ont le goût sucré, en fait, le goût qui nous fait plaisir. Mais il y en a une grande variété de sucres, au sens biologique du terme. Au sens biologique du terme, les sucres simples, il va y avoir le sucre de table qu'on consomme, c'est du saccharose, et le saccharose, c'est deux molécules de sucre simple qui sont mises ensemble, c'est un diolozide, avec une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et on reviendra peut-être un petit peu là-dessus par la suite, les différences au niveau métabolique de ce glucose et de ce fructose. Et il y a aussi le galactose et le mannose, mais voilà. Et les sucres plus complexes, tels que l'amidon, sont lorsqu'ils sont ingérés, vont être réduits en sucre plus simple pour être absorbés, parce qu'en fait, ne peut passer au niveau de l'intestin que les sucres simples. Alors, on a longtemps opposé les sucres lents aux sucres rapides. Aujourd'hui, c'est une distinction qui ne vaut plus, qui ne tient plus, qui a été revue, Anne-Françoise Burnol, ou est-ce que ça a encore un sens? Ce qu'on entend par sucre lent et sucre rapide, c'est justement cette différence entre sucre complexe, tel que l'amidon, et le sucre qu'on mange quand on en met un dans son café ou qu'on ne le met pas, ou qu'on trouve dans les jus de fruits ou dans les sodas, qui sont eux des sucres simples et qui sont absorbés plus rapidement puisque comme je vous disais, les sucres complexes ont besoin d'être cassés en petites molécules de sucre simple, ce qui prend un petit peu de temps, ce qui peut justifier qu'on les ait appelés sucres lents, plus lents en fait, avant d'être absorbés et d'être ensuite envoyés dans la circulation sanguine. Aujourd'hui, il y a une échelle qui a été créée qui s'appelle l'indice glycémique et où on retrouve des produits transformés et non transformés. Il y a des produits non transformés qui ont des indices glycémiques très élevés. Ce sont des éléments qui sont très riches en sucre simple, justement, oui. Oui. Mais cette distinction, elle commence à passer un petit peu. Enfin, oui, c'est une façon simple de voir certaines choses. Bernard Pellegrin, sur cette classification des sucres, aujourd'hui, c'est important. On en reparlera en termes de politique publique d'affichage, mais de dire que il n'y a pas que les sodas ou les produits transformés qui sont très, très riches en sucre. Il y a aussi des produits naturels qu'on consomme tous les jours. Ah oui, bien sûr. Il y a les fruits, certains légumes, la betterave. Oui, bien sûr, il y a des légumes et des fruits qui sont très riches en sucre. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens disent « Ah, je vais manger moins de sucre et comme ça, j'irai mieux », achète un kilo de cerises et le mange en 5 minutes. Bon, il y a beaucoup de sucre dans les cerises. C'est peut-être qu'il faut préciser d'ailleurs que de façon biologique, l'homme n'est pas configuré, n'a pas évolué pour manger beaucoup de sucre. Finalement, les sucres à l'état naturel, ben, ça se trouve dans les fruits, dans quelques légumes. C'est-à-dire finalement quelques mois par an. Voilà, des éléments très saisonniers, tout à fait. Ce qu'il faut préciser également, c'est que le sucre, avant qu'on dise trop de mal sur ce sucre, c'est que c'est absolument un élément absolument indispensable, d'une part parce que c'est un élément énergétique, mais c'est aussi une des constantes qui est extrêmement régulée dans l'organisme, puisque la glycémie qu'on mesure, que tout le monde mesure régulièrement pour voir si on est malade ou pas malade, c'est le taux de glucose, de sucre dans le sang. Et que le maintien de ce taux de sucre dans le sang est une constante biologique absolument essentielle. Donc il ne faut pas... Oui, Bernard Pellegrin. Non, oui, juste pour dire que effectivement, l'idée c'est de dire du mal de la surconsommation de sucre. L'idée c'est pas de dire du mal du sucre, ce qui n'en reste strictement aucun sens, ni scientifiquement, ni tout court. L'idée c'est de dire que la surconsommation est un vrai danger. Mais la surconsommation. Alors parlons avant de parler de la surconsommation, parlons un peu de ce sucre. On va parler beaucoup du glucose plus que du fructose, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Anne-Françoise Burnol, les méthodes d'assimilation biologique ne sont pas les mêmes. Alors là, assimilation au sens propre, du glucose et du fructose, ça va passer par la cellule intestinale et ça va se retrouver dans le sang. Là où ça va être différent, c'est que le glucose va pouvoir, une fois qu'il est dans le sang, il va aller un petit peu partout. Et le fructose, par contre, tout de suite, il va être capté au niveau hépatique, au niveau du foie. Or, le sang qui provient de l'intestin va passer tout d'abord au niveau hépatique avant de rejoindre ensuite la circulation générale. Et la très grande part du fructose va être captée au niveau hépatique et métabolisée au niveau hépatique. Donc, en fait, c'est là où il y a une grande différence en fait dans l'utilisation au niveau métabolique de ces deux sucres. Est-ce qu'on peut dire un mot justement de ces voies de métabolisation du sucre? Le sucre, une fois qu'il est capté par le foie, qu'est-ce qu'il devient? En quoi il est transformé? Alors, comment est-ce qu'on le réutilise? Comment est-ce que notre organisme le recycle? Alors, on en a besoin du sucre, comme je vous le disais. Donc, quand on en consomme, on va le stocker d'abord pour un stockage, je dirais, à court terme, pour une consommation immédiate entre deux repas. Et ça, c'est ce qui est fait sous forme de glycogène dans le foie ou dans le muscle. Mais lorsqu'il y en a plus que ce qui est stockable sous forme de glycogène, il est transformé en graisse. Et c'est le travail du foie. Le foie va fabriquer des acides gras à partir du glucose. Et justement, une des différences fondamentales entre le glucose et le fructose, c'est qu'au niveau hépatique, le fructose est un précurseur absolument magique pour faire de la lipogénèse, pour faire du gras. Il est beaucoup plus efficace, en fait, en termes de stimulateur de la voie de la lipogénèse. Et du coup, comment ça se passe, par exemple, si je décide aujourd'hui, à partir de cette émission, de me dire, je vais réduire drastiquement ma consommation de sucre. Est-ce que j'en ai suffisamment dans mon alimentation quotidienne sans manger de sucre ajouté? Comment est-ce que mon organisme va aller récupérer du sucre si jamais j'en ai besoin pour faire un effort physique ou intellectuel? Alors, quand on est à jeun, en fait, ça c'était la situation de jeûne classique, en fait, quand on dort, on mange pas, donc le matin, quand on se réveille à jeun, et à ce moment-là, on a toujours cette concentration de glucose, cette glycémie qui est constante dans le sang. Et ça, c'est encore le rôle du foie. Tout à l'heure, je vous disais que le foie était capable de stocker, soit sous forme de glycogène, soit sous forme de lipides, les sucres en excès, mais il est aussi capable de fabriquer du sucre, de relarguer du sucre pour l'organisme lorsqu'il n'y en a pas de façon exogène et qu'il y en a besoin pour le fonctionnement de l'organisme. Il faut savoir qu'un certain nombre de tissus, dont le cerveau, ont absolument besoin de glucose pour travailler, pour vivre. Les cellules du cerveau sont ce qu'on appelle glucodépendantes. Il faut évidemment, on ne peut pas parler de la métabolisation du sucre sans évoquer le rôle central de l'insuline. Tout à fait. ce que je vais vous accompagner à faire. Alors, c'est justement le rôle fondamental, c'est que dès que le sucre, les concentrations de glucose circulante augmentent, à ce moment-là, le pancréas va sécréter de l'insuline. Cette insuline est une hormone qui va induire l'utilisation de glucose par les tissus sensibles à cette hormone, justement, et l'utilisation ou le stockage de glucose, en fait. C'est l'hormone absolument cruciale pour ce qu'on appelle l'anabolisme, c'est-à-dire le stockage quand on a trop de sucre. Enfin, ou quand il y a du sucre, pas forcément trop. Lorsqu'il y en a, c'est juste pour maintenir et pour assurer ce qu'on appelle l'homéostasie du glucose. C'est-à-dire garder le même niveau cette fameuse glycémie qui, en fait, au cours de la journée, ne varie pas énormément qu'on vienne de manger ou qu'on soit après quelques heures ou une nuit de jeûne. Et on va voir que plus on mange de sucre, plus on suscite justement le pancréas pour produire de l'insuline et puis plus le pancréas s'habitue et commence les problèmes. On va en parler dans quelques instants. J'aimerais qu'on dise peut-être un mot, alors avec vous Bernard Pellegrin ou avec vous Anne-Françoise Burnol, également de quelques études qui ont été produites sur la nature addictogène du sucre. Aujourd'hui, on cite beaucoup une étude qui a été faite sur des rats où quand on propose à deux rats de laboratoire du sucre ou de la cocaïne, le rat choisit Bernard Pellegrin. Le sucre. Le sucre. Alors oui, c'est une étude célèbre qui a été faite il y a une dizaine d'années par un addictologue, également membre du CNRS à Bordeaux, qui s'appelle Serge Ahmed, et qui, parce qu'il étudiait les mécanismes d'addiction aux drogues dures, cocaïne et héroïne, a estimé que scientifiquement, il fallait que les souris de laboratoire qu'il utilisait aient un choix, et leur a proposé, sans chercher malice, de l'eau sucrée comme choix à la cocaïne, persuadé qu'il était qu'évidemment, les souris qui étaient déjà très accros à la cocaïne continueraient à aller vers la cocaïne, et surprise, elles sont allées vers l'eau sucrée une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois. Et l'expérience a été renouvelée à plusieurs reprises et ailleurs que dans son laboratoire. Cette expérience, il a beaucoup travaillé dessus. Donc il ne s'agit pas du tout d'en faire un gourou. Il a simplement montré que les mécanismes d'addiction entre le sucre et la cocaïne suivaient les mêmes processus dans le cerveau. Alors moi, je suis pas scientifique, donc je vais pas vous les exposer, ce serait catastrophique. Il ne dit évidemment pas que le sucre provoque les mêmes dégâts que la cocaïne. Je veux dire, il serait simplissime. Le titre de mon petit livre est un titre de journaliste, mais quand on lit le livre, évidemment, c'est un tout petit peu plus nuancé que ça. Il est hors de question de dire que si on prend du sucre, on va se retrouver dans un état comparable à celui de quelqu'un qui prend de l'héroïne ou de la cocaïne. Mais les mécanismes d'addiction, d'autant que les définitions de l'addiction sur les décennies qui viennent de s'écouler se sont considérablement étoffées, correspondent aux mêmes mécanismes que ceux des drogues dures. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot justement du circuit dopaminergique qui est impliqué dans la consommation de sucre et de ces circuits de la récompense qui sont sollicités? C'est exactement ça. En fait, le sucre va activer les circuits de la récompense au niveau du système nerveux central, de la même manière que certaines drogues ou certaines. Voilà. Donc, c'est les mêmes circuits nerveux qui sont activés. Mmh. Il y a aussi, de façon intéressante, il y a aussi des études qui ont été réalisées en Suisse dans le laboratoire de Bernard Torrens qui montrent qu'il y a des neurones, certains neurones dans certaines zones du cerveau qui sont sensibles aux concentrations circulantes de sucre, en fait, qui expriment un transporteur de sucre qui, lui, est sensible aux concentrations circulantes de sucre. Et ces neurones, lorsqu'ils sont activés, poussent à rechercher le goût sucré, à rechercher un aliment sucré. Donc, en fait, c'est un système de régulation de cette. Donc, il existe les deux, c'est ça que je voulais dire. Voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est ce système qui fait qu'il existe aussi des neurones qui, en présence de sucre, vont dire stop, aller chercher du sucre, quoi. Quelque chose comme ça. On va en parler tout à l'heure, justement, du versant industrie agroalimentaire, la façon dont le sucre s'est invité ou a été introduit partout dans notre nourriture et bien au-delà. Mais on peut tout de même aussi peut-être dire un mot sur l'appétence naturelle au sucre, qui est une appétence non culturelle. On voit par exemple effectivement chez les nourrissons que quand on met une goutte d'eau sucrée sur la langue, ça fait plaisir. Quand on met une goutte de citron, ça crée du déplaisir. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même une appétence naturelle. Absolument. Du corps humain au goût sucré. Absolument, oui, oui. C'est des expériences tout à fait simples et amusantes de voir que parmi les cinq goûts qui sont reconnus par les récepteurs au goût, en fait, entre le sucre, le sel, l'acide, la mer et l'unami, le sucre a l'air de plaire un petit peu plus aux organismes, enfin aux bébés et aux... Un mot sur cette appétence naturelle, Bernard Pellegrin, c'est-à-dire qu'on... Oui, alors moi, je vais plutôt vous parler du côté culturel des choses, c'est-à-dire que sur des siècles et même des millénaires, le sucre et l'humanité, ça n'est pas du tout la même chose que maintenant. C'est-à-dire que au début du siècle, un ouvrier parisien consommait deux morceaux de sucre par jour, à peu près. Aujourd'hui, un Américain moyen qui boit la quantité moyenne de soda marron à bulles, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il prend 4000 morceaux de sucre rien qu'en soda par an. Donc c'est pas tout à fait la même chose. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Candy, why I call my sugar candy. I'm sweet on candy, and candy he's sweet on me. He understands me. Yes, my understanding candy. My candy's always handy, just when I need sympathy. Oh, I wish that there were four of him, and I could love that much more of him. He has taken my complete heart, and I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy, candy, candy, candy. It's gonna be just dandy. The day that I'll take my candy and make him mine, mine, oh mine, yeah, mine, oh mine. The day that I'll take my candy and make him mine. Il est 16h25, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, Candy de Maybelle, puisque nous parlons du sucre et des troubles liés à la surconsommation de sucre. Nous en parlons avec Anne-Françoise Burnol, qui est directrice de recherche CNRS à l'Institut Cochin à Paris, et Bernard Pellegrin, journaliste et auteur de Sucre Enquête sur l'autre poudre aux éditions Taillandier. Alors, comme nous l'avons dit dans la première partie de cette émission, nous ne sommes pas ici pour faire le procès du sucre, mais pour interroger les limites de sa surconsommation et de l'ensemble des troubles qui sont associés, parce que nous allons voir maintenant qu'ils sont nombreux, ces troubles associés à la consommation excessive de sucre. Des troubles qui ont été minimisés pendant des années par l'industrie sucrière, avec parfois le concours des pouvoirs publics, comme on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être aborder cette question. Quelques chiffres simples, Bernard Taillandier, sur les Taillandier, c'est la boîte, c'est la boîte d'édition. Mais, vous voyez, j'ai peut-être pas bu assez de sucre avant de prendre de commencer cette émission. Quelques chiffres simples sur les troubles associés à la surconsommation de sucre. On parle évidemment principalement de diabète de type 2 et d'obésité, mais peut-être pas que ça. On parle aussi parfois de cancer. Hein. Il y a un certain l'OMS dans ses recommandations qui sont de 25 grammes par jour au l'idéal, hein, parce qu'on est très loin de ça, la plupart d'entre nous. Met en avant un certain nombre de maladies, et notamment un certain nombre de cancers aussi qui pourraient, mettons plein de précautions, mais être liés à la surconsommation de sucre. Donc c'est principalement évidemment l'obésité. L'obésité, elle est en développement, en expansion absolument partout. En France, pas trop. On est un pays assez raisonnable. Mmh. Il faut savoir que la CIA tient régulièrement le compte des obèses dans le monde, ce qui est assez étonnant. Mmh. Et que dans son classement, la France est très très loin. Il y a donc l'obésité, il y a évidemment le diabète, les maladies cardiovasculaires, bien évidemment. Et puis, encore une fois, semble-t-il, un certain nombre de cancers, mmh. puisque... Vous allez me dire si je dis des bêtises ou pas, mais les cellules cancéreuses ont l'air d'aimer le sucre. Mmh. Oui, elles aiment beaucoup le sucre pour pousser, mais elles ne consomment pas que ça. C'était une conception qui a un petit peu évolué. Mais en fait, effectivement, il y a une prédisposition au cancer qui va être augmentée, mais chez les obèses et les diabétiques aussi. Donc en fait, c'est lié. Ce serait une dérégulation encore au-delà de la dérégulation primaire qui serait l'obésité, conduisant dans un grand nombre de cas au diabète, et puis pourrait, dans les deux cas, éventuellement être un terrain plus favorable au développement de cancer. Est-ce qu'on a quelques chiffres en termes d'épidémiologie, justement, sur l'augmentation de l'obésité ou des cas de diabète? On parle toujours de diabète de type 2, Françoise Dordal. Oui. Diabète de type 1 est un diabète d'origine différente, en fait, puisque c'est une destruction des cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Alors que le diabète de type 2, qu'on appelait autrefois le diabète de l'âge mûr, c'est des dérégulations qui sont très lentes, en fait, enfin, qui étaient très lentes, qui malheureusement sont maintenant beaucoup moins lentes, des capacités de régulation. Voilà. Mmh. Oui, puisqu'il y a maintenant des enfants et des adolescents qui sont diabétiques, prédiabétiques et diabétiques, et qui sont, donc c'est vraiment un énorme problème, même pour maintenant, pour les enfants. Mmh. Donc ce diabète de type 2, pour dire ça, c'est une diminution de l'effet de l'action de l'insuline, et ensuite un défaut du pancréas pour sécréter assez d'insuline, mais l'origine est vraiment complètement différente. Mmh. Un mot, justement, à la fin de votre livre, Bernard Pellegrin, il y a quelques éléments, justement, chiffrés. Vous pouvez nous en donner quelques-uns qu'on ait un aperçu. Non, mais parce que c'est tout de même très, très significatif, notamment l'augmentation des cas d'obésité dans les pays dits occidentaux. Alors, 4 millions de diabétiques de type 2 en France, hein, les chiffres viennent de la fédération. Diabétiques de type 2 connus. Connu, sachant oui, que c'est une maladie un petit peu en sourdine et qu'il y a des prédiabétiques ou des diabétiques qui s'ignorent. Voilà. C'est les chiffres de la Fédération française des diabétiques. Et l'Atlas du diabète, rédigé par la Fédération internationale des diabétiques en 2015, annonce 415 millions de diabétiques de type 2 connus et projette pour 2040 autour de 650 millions de diabétiques dans le monde. Donc c'est pas rien, c'est presque une personne sur 10, 12, disons, parce qu'en 2040, évidemment, on sera plus nombreux. Si on continue sur l'obésité, le nombre de personnes en surpoids en France, et la France, encore une fois, est très loin d'être dans le peloton de tête, si j'ose dire. 41% des hommes, 25% des femmes. En surpoids, hein, pas obèse. C'est pas la même chose. Et quant aux gens obèses, 15% des hommes et 15% des femmes en France. Nombre de personnes obèses dans le monde, selon l'OMS, en 2014, 600 millions d'adultes. Donc une augmentation drastique hein, en quelques dizaines d'années. On a longtemps dit que notamment l'obésité était liée non pas à la surconsommation de sucre, mais à la surconsommation de graisse ou de graisse saturée. C'est vrai, c'est faux, Bernard Pellegrin ? Alors moi je suis incapable de vous répondre oui ou non, et puis je m'y risquerai pas. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que s'agissant du lobby américain du sucre, on sait aujourd'hui, notamment par des enquêtes de journalistes, notamment par des enquêtes très importantes faites par des journalistes du New York Times, que le lobby du sucre aux États-Unis a payé des scientifiques et des études scientifiques dans les années 70 pour accuser le gras. Évidemment, la stratégie était assez simple. Pour détourner l'attention du sucre, on payait des études scientifiques qui montraient que le gras était à 100% responsable des troubles comme le diabète ou l'obésité. Les acides gras saturés, pour être précis, sur les acides gras saturés. Voilà. Et, il faut ajouter à ça que le lobby du sucre s'est beaucoup nourri en termes de compétences entre guillemets des lobbyistes, du lobby du tabac qui au bout d'un moment aux États-Unis n'a plus pu exercer complètement son influence parce que le tabac devenait un produit dénoncé et s'est replié un petit peu sur le sucre en termes d'activité de lobbyiste. Là on n'est pas du tout dans le domaine de la science mais dans le domaine de l'influence. Moi je dirais que c'est un petit peu un faux débat, un drôle de débat parce que finalement on devient obèse, on grossit, on devient obèse parce que les calories qui rentrent ne sont pas équivalentes aux calories qui sortent. Après, que ce soit des calories provenant d'acides gras ou de glucides, de graisse ou de glucides, évidemment, du point de vue métabolique, ça ne va pas être très différent, mais s'il en sort moins qu'il en rentre, on va en stocker. Et comme je vous le disais, le sucre va être aussi stocké sous forme de graisse. Donc de toute façon, on va stocker, on va devenir obèse si on ne se dépense pas assez par rapport à ce qu'on mange. Est-ce que c'est une stricte question précisément de rapport calories qui rentre activité physique, hein, ce qui est le discours officiel de l'OMS en disant mangez moins de sucre mais bougez plus, ou est-ce qu'il y a tout de même aujourd'hui un lien de causalité assez évident quant à la surconsommation et à la surprésence des sucres dans notre alimentation générale par rapport à ce qui était le cas il y a encore 10, 15, 20 ou 30 ans. Ça, absolument, en fait, parce que la consommation de sucre a énormément augmenté dans les 30 ou 40 dernières années, en fait. Je crois que les consommations de sucre vers le milieu la première moitié du 20e siècle, ça devait être de l'ordre de quelques kilos par an, et maintenant, on en est à 40 ou 50 kilos par personne. Donc, c'est clairement, il y a une consommation qui est très augmentée. Et comme M. Pellegrin faisait allusion au départ, en fait, c'est non seulement le sucre qu'on met dans son café ou qu'on ne met pas, mais c'est aussi les sucres cachés, en fait. Et le problème, il vient essentiellement, enfin, à mon sens, il vient beaucoup de là. Il vient de les quantités de sucre que l'on consomme, on ne les maîtrise pas parce qu'en fait, quand on met un sucre ou une pierre de sucre ou deux pierres de sucre, on peut en mettre un demi si on souhaite. Mais par contre, dans ce qu'on consomme, dans les produits manufacturés, il y a des sucres ajoutés et c'est là où ça déborde de tous les côtés et qu'on n'arrive pas à maîtriser. On a, au niveau personnel du consommateur, il est extrêmement compliqué de véritablement calculer à ce moment-là la quantité de sucre absorbée dans la journée. Et on va reparler tout à l'heure hein, des politiques publiques et de ces sucres cachés, de ces sucres ajoutés dans de nombreux produits manufacturés. J'aimerais qu'on reste un peu sur les pathologies associées. Est-ce que aujourd'hui, Anne-Françoise Burnol, toute personne qui a une alimentation, disons, riche en sucre, mais pas une alimentation démesurée, juste riche en sucre, peut déclarer un diabète de type 2 ou peut basculer dans le surpoids puis l'obésité? C'est une question un peu compliquée. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par une alimentation riche en sucre, mais pas trop. En fait, ce que je peux répondre à ça, c'est qu'il y a vous prenez deux individus, ils ne vont pas forcément réagir de la même manière à cette alimentation-là. Il y a des prédispositions génétiques qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont faire que face à un même intake, un même apport en sucre, en fait, il y en a qui vont en stocker un petit peu plus et avoir plus tendance à prendre du poids. Et au-delà de ça, il y a d'une part les prédispositions génétiques, et donc ça, qui sont propres à chaque individu, mais il y a aussi l'environnement. Et il faut absolument prendre en compte... L'environnement socioculturel. L'environnement socioculturel, et aussi l'environnement polluant et choses comme ça, en fait. C'est donc avec... on dit maintenant qu'un certain nombre de polluants atmosphériques, en fait, on parle des perturbateurs endocriniens, seraient également importants et associés à cette épidémie d'obésité. Il y a une forte composante sociale, tout de même, Bernard Pellegrin, évidemment. Il y a une forte composante sociale, il y a une forte composante culturelle aussi. Alors, il est établi, admis, que le sucre dans les sociétés développées est aujourd'hui le fait plutôt des classes défavorisées. Il y a beaucoup de sucre dans le tout-venant de ce qu'on achète dans un supermarché le samedi après-midi. Beaucoup plus, évidemment, que chez le maraîcher ou le magasin bio. Il y a aussi une dimension culturelle. Aujourd'hui, par exemple, les enfants en France qui sont le moins concernés par l'obésité, ce sont les enfants d'enseignants. Pourquoi ? Parce que les enseignants ont la connaissance, la préoccupation, alors c'est pas les seuls évidemment, mais statistiquement c'est montré, de faire en sorte que leurs enfants se nourrissent sainement et correctement, parce qu'ils ont encore une fois cette connaissance culturelle que n'ont pas forcément les autres. Sur cette question des prédispositions à développer des diabètes ou de l'obésité, j'ai lu dans une étude que jusqu'à 20% des personnes obèses possèdent néanmoins un métabolisme dit normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas que de la prédisposition, il y a... Absolument, il y a effectivement des gens il y a différentes sortes d'obésité, en fait, formes d'obésité, et il y a du bon et du mauvais tissu adipeux. Alors, le bon tissu adipeux, c'est celui qui va être, c'est pas le plus élégant du point de vue esthétique, c'est celui qui va être sous-cutané, et le mauvais tissu adipeux, c'est celui qui est viscéral, qui est à proximité des organes, et donc pour une même adiposité, en fait, il va y avoir des individus qui seront métaboliquement mal portants, ou métaboliquement parfaitement bien portants, malgré leur petite couche de gras sous-cutanée. Alors, il y a un autre problème de santé majeur, mais qui est moins connu, c'est ce que l'on appelle la maladie du foie gras. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Rebonjour. Et oui, parce qu'à force de se gaver de sucre comme des oies, eh bien, non pas vous, évidemment pas nous tous, vous êtes rendu en tout cas à l'hôpital Beaujon à Clichy pour vous renseigner sur cette stéatose hépatique, maladie du foie gras, donc qui est une affection de plus en plus courante. Oui, comme vous l'avez dit, la maladie du foie gras, parce que le sucre absorbé en trop grande quantité se transforme en graisse, une graisse qui s'accumule dans le foie et qui peut provoquer une cirrhose. On parle alors de stéatose hépatite non alcoolique ou NASH, car elle est liée uniquement à l'excès de sucre. La NASH préoccupe de plus en plus les médecins car elle est encore méconnue, elle progresse vite et elle est difficile à détecter. Patrick Marcelin est médecin hépatologue et il m'a fait part de ses inquiétudes. Le foie transforme le sucre en graisse, c'est un mécanisme physiologique normal, mais lorsqu'il est dépassé, lorsqu'il y a trop de sucre, cette graisse devient trop importante au niveau du foie, cette stéatose, et entraîne une gêne du fonction du foie, une insuffisance hépatique, et s'accompagne d'une inflammation, c'est ce qu'on appelle donc la stéatohépatite, stéatose avec inflammation du foie, la NASH. Quand on dit NASH, d'ailleurs, c'est une non-alcoolique stéatose hépatite. C'est vraiment l'équivalent de la cirrhose liée à l'alcool, le cancer lié à l'alcool, mais c'est lié à la surcharge en graisse qui entraîne, si vous voulez, un dysfonctionnement du foie et entraîne la destruction des cellules hépatiques qui souffrent de cette surcharge en graisse. Et les cellules hépatiques fonctionnelles sont remplacées par un tissu scléreux, la fibrose, qui peut évoluer vers la cirrhose. Et la cirrhose peut évoluer vers le cancer du foie. C'est une maladie émergente, mais qui touche quand même en France 1% de la population, aux États-Unis beaucoup plus. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à mieux détecter cette maladie ? Alors c'est une maladie qui est méconnue et on assiste à une augmentation considérable de cette maladie émergente. Et on peut remarquer d'ailleurs que ce phénomène est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en Europe occidentale, mais il existe aussi en Europe de l'Est, dans d'autres pays, au Moyen-Orient, en Inde, etc. Donc on a sous-estimé cette maladie, et on note d'ailleurs que les patients que nous voyons actuellement avec une cirrhose ou un cancer du foie, souvent la cause est une cause métabolique, c'est la stéato-hépatite, c'est la NASH. Justement, c'est une maladie qu'on dit asymptomatique, donc les symptômes, on ne les ressent pas. On peut être potentiellement malade sans le savoir ou bien des années après. Oui, alors les deux problèmes de cette maladie pour les médecins, c'est d'abord que c'est une maladie silencieuse. Donc on ne la trouve que si on la cherche. Et d'autre part, c'est une maladie qui va évoluer sur des dizaines d'années. Entre le moment où le foie commence à souffrir de cette surcharge en graisse, de cette stéatose, et le moment où va se développer de la fibrose, puis une cirrhose, et puis éventuellement un cancer du foie, ça peut prendre 10, 20, 30, 40 ans. Donc je crois que le problème actuel, c'est le dépistage. Dépistage, c'est-à-dire que toute personne, lorsqu'on fait un bilan avec un cholestérol, avec une glycémie pour rechercher un diabète, on doit également faire un bilan hépatique très simple. C'est un dosage des transaminases qui se fait sur une simple prise de sang. Et à partir du moment où les transaminases sont anormales, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme qui dit « mon foie va mal » et c'est un signal d'alarme qui dit aussi « ma santé va mal ». Parce que le foie est le reflet finalement de la santé de l'individu. Alors, on peut en tout cas dépister la maladie, la NASH, par une simple prise de sang. Bien sûr, s'il y a une anomalie du bilan hépatique, ce qu'on appelle les transaminases, test très simple, qui n'est pas cher, qui doit être proposé à tout le monde. Si les transaminases sont élevées, on enclenche à ce moment-là un bilan, on appelle un bilan étiologique, on cherche la cause. Ça peut être une autre cause, ça peut être un virus, une hépatite virale, mais ça peut être la NASH, ça peut être le syndrome métabolique. Donc dans ces cas-là, il faut enclencher un bilan plus complet, qui est très simple, qui ne nécessite pas d'examen invasif, douloureux, dangereux. On fait tout simplement une échographie ou un type d'échographie particulier qu'on appelle le fibroscan, qui permet de mesurer dans le foie l'importance de la graisse, de la stéatose, et l'importance de la fibrose qui est la séquelle de cette maladie. Et dans ce cas-là, on peut classer les malades, on peut dire c'est une stéatose bénigne, tout simplement à surveiller, ou c'est une stéatose qui est évolutive, c'est une NASH, parce qu'il y a une inflammation, attention, risque de cirrhose, risque de cancer du foie, on peut intervenir tôt. Alors, au niveau de la recherche thérapeutique, où est-ce qu'on en est ? Beaucoup de laboratoires travaillent sur des médicaments qui pourraient au moins ralentir, voire arrêter l'évolution de la fibrose chez ces malades et prévenir la cirrhose et le cancer du foie. À noter que la cirrhose et le cancer du foie liés à la NASH, ça devient une cause importante de transplantation du foie. Donc, on aura des médicaments bientôt qui sont en cours d'évaluation, d'élaboration, qui permettront de cibler cette maladie hépatique. Mais bien sûr, la première chose, c'est dépister et surtout de prévenir cette atteinte hépatique qui peut être au premier plan en agissant sur la cause, évidemment, initiale. C'est le problème du comportement des individus dans notre société. Et alors, ça me rappelle tout à fait un de mes malades que je suis depuis de nombreuses années. Il avait une maladie du foie au stade de cirrhose que je ne comprenais pas bien. Il n'y avait pas d'hépatite virale, il n'y avait pas d'alcool. C'était un malade finalement qui était mince, qui n'était pas gros, qui faisait de l'exercice, qui faisait très attention à son régime. Malgré cela, parce qu'il y a probablement des facteurs génétiques, il avait développé un syndrome métabolique et la maladie du foie a permis de découvrir ce syndrome métabolique, de le traiter, et sa maladie du foie s'est améliorée. Et finalement, on a observé une normalisation du bilan hépatique. On a observé également une régression des lésions hépatiques. C'est-à-dire que l'évolution de la maladie hépatique vers les complications, la cirrhose et le cancer du foie, si la maladie du foie est repérée tôt, elle n'est pas inéluctable, cette évolution sévère. On peut avoir une réversibilité de lésion, on peut avoir un foie qui redevienne normal. Donc encore une fois, dépister tôt permet de traiter tôt le problème et d'être efficace sur la plupart des cas. Voilà le reportage du jour sur cette stéatose hépatique, une réaction à ce que vous venez d'entendre, Anne-Françoise Burnol. Absolument, je crois que les choses ont été extrêmement bien exposées et je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la description qui vient d'être faite, si ce n'est que maintenant on sait qu'on arrive à avoir quelques cas de cette NASH chez des enfants de plus en plus jeunes aussi. Donc pour dire à quel point il est urgent de prendre vraiment en compte les causes initiales qui sont ce qu'on disait sur les consommations énergétiques. Oui. On va en parler dans un instant. Bernard Pellegrin, une réaction au reportage et effectivement à cette maladie sous-marine qu'on est en train de découvrir parce que les symptômes ne sont pas évidents. Il y a qui est pour le coup, elle, strictement liée à la surconsommation de sucre. Ma réaction sera celle naturelle presque d'un citoyen, c'est-à-dire que il faut essayer de faire en sorte que l'offre en sucre diminue. On a parlé tout à l'heure de cette étude de Serge Hamed qui montrait que les systèmes de récompense sont les mêmes que pour les drogues, etc. Le problème du sucre aujourd'hui, mais pas que le sucre, bien sûr, les graisses ou le sel aussi, c'est que c'est une offre qui rencontre une demande. Et cette offre, elle est partout. Et donc la demande se satisfait très facilement parce que l'offre vient à elle. C'est vraiment ça le problème. S'il n'y avait pas trop d'offres, ça irait mieux. Il faut peut-être dire ici également un mot sur les édulcorants qui ont été accusés de tous les maux. On a pu lire des études notamment expliquant que l'aspartame était plus toxique, encore plus toxique que le sucre, etc. Et pourtant, l'Agence française de la sécurité sanitaire et de l'alimentation a signifié dans un rapport qui date d'il y a 2 ans que les études étaient encore insuffisantes sur cette potentielle toxicité. Qu'en pensez-vous, Anne-Françoise Burnol ? Bon, alors j'ai pas d'éléments précis, scientifiques, particuliers à rajouter à ça. J'avoue que ce ne sont pas des études que je connais bien. Par contre, ce que j'ai pu lire, c'est, je vous parlais tout à l'heure de ces neurones qui répondent au sucre, en fait, qui, lorsqu'ils sont en présence de sucre, disent, hop là, va pas trop chercher du sucre, il y en a assez. En fait, ils répondent au glucose, mais ils répondent pas à l'aspartame. Donc, ni au fructose, d'ailleurs. Ça ne répond pas à la satiété de sucre. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que même s'il y a des concentrations élevées de ces édulcorants dans la circulation, à ce moment-là, la recherche du goût sucré ne sera pas inhibée, donc ça ne va pas, le système, la régulation du système va être annulée. Bernard Pellegrin. Ajoutons que la rumeur, soyons très honnêtes, je ne peux pas faire état d'autre chose que d'une rumeur, donc ce n'est pas un fait établi, mais la rumeur dit qu'un certain nombre d'études scientifiques pour prouver que l'aspartame était aussi dangereux que le sucre, si ce n'est plus, auraient été payées par le lobby du sucre américain. Voici pour votre gourmandise. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h47, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. On va en parler de ce lobby du sucre dans ces dernières minutes d'émission. Il faut peut-être repréciser que le sucre, c'est un commerce florissant, c'est un commerce qui brasse beaucoup, beaucoup d'argent. La France est le premier pays producteur en Europe, le 10e mondial, 3,5 milliards de chiffre d'affaires, 730 millions dans la balance commerciale française. C'est un marché extrêmement lucratif, pas forcément pour les producteurs, mais en tout cas pour l'industrie qui s'en saisit, Bernard Pellegrin. Oui, le sujet numéro un, c'est plus l'industrie agroalimentaire que les producteurs de sucre. Les producteurs de sucre, bien sûr, jouent leur partie. Le plus gros producteur de sucre dans le monde, c'est le Brésil. Et il y a un certain nombre, évidemment, d'intérêts, d'enjeux autour du sucre en termes de matières premières. Mais le sujet numéro un pour la santé publique, c'est quand même l'industrie agroalimentaire. Et j'allais dire, l'industrie agroalimentaire résumée à quelques marques très célèbres qui tout de même alourdissent beaucoup la balance de la consommation de sucre. Je pense évidemment, on va dire les mots, au Coca-Cola. Je pense évidemment à tout ce qui est soda. Et puis à ces habitudes alimentaires que les gens et les jeunes ont prises. Je pense au Nutella. La France est pratiquement le premier consommateur de Nutella au monde. Donc je n'ai rien contre le Nutella, si ce n'est que du Nutella, plus du Coca, plus des céréales sucrées, plus des cordons bleus, vous savez, ces choses dont raffole y compris le président de la République, mais qui sont pleines de sucre. Tout ça fait à la fin de la journée un bilan en termes de sucre absolument considérable. C'est le moment où on va parler de ce que vous évoquiez tout à l'heure, Anne-Françoise Burnol, de ces sucres cachés. Il y a évidemment aujourd'hui, encore une fois, on est en train depuis quelques... L'article qui bascule, je parle sous votre contrôle, hein, Bernard Pellegrin, c'est dans Nature en 2012, un article intitulé « La vérité toxique sur le sucre » où d'un seul coup, on commence à prendre conscience de l'ampleur du sucre qui est rajouté partout dans tous les aliments et pas seulement de notre addiction à ces boissons ou à ces bars très sucrés, mais effectivement de ces sucres qui sont strictement partout dans les produits transformés. Absolument, les sucres simples, le glucose et le fructose sont rajoutés dans énormément de produits industrialisés sous forme d'un sirop de glucose-fructose qui est produit à partir du maïs en fait. L'intérêt de ce sirop de glucose-fructose, c'est qu'il est sous forme liquide et que il est donc facile à utiliser pour les industriels et de rajouter cet additif en fait, qui est pas que un additif parce qu'il a un pouvoir calorique extrêmement important, ça permet à la fois des qualités ça ajoute des propriétés de conservation, c'est un antioxydant, ça permet énormément c'est un édulcorant, enfin ça a énormément un exhausteur de goût et un exhausteur de goût également, voilà absolument. Donc ça a beaucoup d'intérêt pour les industriels pour rajouter dans leur préparation. Mais ce qu'il y a, c'est que dans un certain nombre de cas, dans beaucoup de cas, il est marqué qu'il y en a de rajouter, mais les quantités sont pas notées. Donc on ne sait pas exactement les quantités qu'on va manger. Moi j'ai été extrêmement surprise en regardant la composition de saucisson industriel, il y a du glucose dedans. Ben voilà, il y a pas que là. On regarde les quantités de sucre, de glucose rajouté dans énormément de produits et on se demande c'est compliqué ensuite de faire l'addition. On va interroger la question de l'affichage de la surtaxation dans quelques instants, mais un mot tout de même, Bernard Pellegrin, est-ce que de quand ça date cet ajout systématique de sucre partout ? Est-ce que c'est malgré tout relativement récent ? Oui, c'est relativement récent, bien sûr. C'est une vingtaine, une trentaine d'années. Ce qu'on peut dater, c'est le moment où le sucre devient une sorte de civilisation. J'emploie ce mot entre guillemets, mais je l'emploie quand même. C'est-à-dire que le moment où, par exemple, aux États-Unis, McDonald's décide de vendre des Coca-Cola comme boisson principale avec ses hamburgers, et là se met en place un système. Alors, le gras et le sucré, hein, les deux combinés, ça fait une bombe, et se met en place un système où le besoin d'édulcorant, le besoin de douceur, le besoin de sucré dans l'alimentation démarre, s'enclenche et contamine à peu près tout. Et quand je parle de civilisation du sucré, c'est pour dire que aujourd'hui, dans des produits qui sont à des années-lumière du sucre, on cherche à donner une tonalité sucrée. Donc, même dans les gels douche. Voilà. Par exemple, le gel douche est à la vanille, ou bien il est au caramel, ou il est aux fruits rouges. Donc, c'est sucré. Les bougies que vous faites brûler dans votre intérieur pour lui donner une odeur particulière, au-delà du fait d'ailleurs que c'est pas forcément bon pour la santé, sont aussi rarement parfumés à la moutarde, hein. Ils sont très souvent parfumés à la vanille, au caramel, aux fruits rouges, à toutes ces odeurs sucrées. Les cigarettes, le tabac roulé qu'affectionnent les jeunes également. Donc le sucre est à la fois partout en tant que tel et partout en tant que fantôme. Que stimulation sensorielle. Est-ce que vous diriez, puisque on en arrive à ça, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer ou comparer cette invasion du sucre dans notre alimentation, dans notre vie quotidienne, à un scandale qui pourrait être, dans les mois ou dans les années à venir, le scandale équivalent à celui, évidemment, où on pense au tabac, ou on pense aussi, en termes de santé publique, à la comparaison avec l'alcool et les produits alcoolisés. Bernard Pellegrin. Ah, on pourrait imaginer des procès comme il y en a eu aux États-Unis sur le tabac, de veuves de fumeurs qui intentaient des procès à des marques de cigarettes en disant on n'était pas prévenu du danger du tabac. Mais on est au même niveau de nocivité ou est-ce que période où... Non, je pense pas qu'on soit au même niveau de nocivité du tout. L'important dans cette histoire, c'est le côté massif de la consommation. C'est pas tellement la nocivité individuelle en tant que telle. Je veux dire, une barre de chocolatée au sucre, si j'en mange une, c'est pas grave. Mais le côté massif de la chose, aussi bien sur l'individu que sur les populations, fait que c'est dangereux. Oui, effectivement. Donc, il y a un problème. Ouais. Anne-Françoise Burnol, sur cette notion de nocivité collective ou de civilisation du sucre. Oui, bon, je suis assez ce que dit M. Pellegrin là-dessus, effectivement. Et puis, ce que je pourrais rajouter, c'est que, comme on le disait au début, en fait, le goût sucré est quelque chose qui est inné chez les jeunes enfants. Donc, de leur permettre de leur ouvrir, finalement, tous ces possibles de sucre tout le temps, c'est les encourager à privilégier ce goût-là et à augmenter encore plus leur consommation de sucre. Sachant que, comme on le disait, l'évolution des maladies métaboliques qui sont liées à la surcharge pondérale consécutive à cette surconsommation, c'est des choses qui se prennent beaucoup de temps pour se développer et donc c'est un petit peu long. Bernard Pellegrin. Dans mon livre, j'ai interviewé une psychanalyste qui est spécialiste des gens ayant des problèmes d'obésité. Et elle m'expliquait de façon assez claire que le sucre dans les familles est souvent une preuve d'amour. C'est-à-dire que l'amour dans une famille, ça passe par le sucre. Je te donne du sucre. Et elle dit très justement, même si c'est un peu simple, on dit un bonbon, on dit pas un mauvais mauvais. Et donc, quand on donne du sucre à un enfant, on lui donne aussi de l'amour. Est-ce que, du coup, en termes de politique publique, il faut arrêter avec des choses comme ça? Voici, pour votre gourmandise, les merveilleux Minto Créma. Et les Minto à la chlorophylle qui réjouissent le palais et parfument la laine. Les caramels Créma. Les acidulés Créma. Exigez donc les délicieux bonbons Surprise Créma. En finir avec la publicité pour les produits sucrés ou trop sucrés, Bernard Pellegrin, c'est une option, c'est une... Alors il y a déjà des avertissements, régulièrement, je veux dire, les pouvoirs publics ne sont pas restés insensibles à tout ça, on n'est pas dans un état de laxisme absolu. Ce qui est sûr, c'est que dans le mécanisme de l'addiction au sucre et à d'autres choses, la publicité joue un rôle majeur, elle joue un rôle quasi pavlovien, c'est-à-dire que quand on regarde une publicité qui vante un produit sucré, le début du phénomène d'addiction se met en place, et il se met en place à cause du visuel qu'on a, ou du sonore, bon, un peu daté, comme celui qu'on vient d'entendre, qui fait que on commence à en avoir envie. On parle de deux choses, ce sera pour conclure cette émission, on parle, vous le disiez tout à l'heure, Anne-Françoise Burnol, d'un étiquetage clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre, j'en sais rien, une tête de mort avec marqué « contient tant de grammes de sucre » sur les produits. Une tête de mort, non, je dirais pas ça. Regardez ce qu'on fait sur les paquets de cigarettes. Hein. Absolument, mais c'est pas tout à fait la même chose, je dirais quand même. Mais non, moi je pense qu'il faut que l'étiquetage soit clair pour qu'on connaisse les quantités et que les gens soient, qu'il y ait une information. Ben, c'est ce que disait M. Pellegrin, finalement, ceux qui savent à quel point l'addition de chaque morceau de sucre ou de chaque petit aliment sucré qu'on mange, et finalement il faut faire l'addition pour se rendre compte des dangers, je crois qu'il faudrait... à mon sens, plutôt informé, mais de façon extrêmement large, de façon à ce que chacun puisse faire son propre contrôle. Une tête de mort pour le sucre, peut-être pas déjà. Informé, aujourd'hui, il y a une réticence, pour utiliser un léger euphémisme, de l'industrie agroalimentaire, pour informer, pour avoir un étiquetage clair sur les produits sucrés ou avec du sucre ajouté. Oui, alors, beaucoup de choses se jouent à Bruxelles. Hein. Beaucoup de choses s'agissant de notre consommation de sucre se jouent au niveau des lobbies qui sont à l'œuvre à Bruxelles. On en recense plus de 60 qui sont tous les jours à œuvrer pour que la réglementation soit la plus favorable à leurs intérêts. Les fameuses signalisations avec une pastille verte ou rouge pour le sel, le gras et le sucre, il y a eu beaucoup d'essais pour essayer de les faire adopter. Des grandes entreprises comme Nestlé ou Coca-Cola ont toujours fait en sorte qu'elles ne soient pas adoptées. Et un dernier mot vraiment pour conclure en quelques secondes sur la question de la surtaxation des produits en fonction de la quantité de sucre ajouté. C'est là aussi quelque chose de vraisemblable à moyen terme ou c'est de la science-fiction? Ben, ça a été un peu essayé avec les sodas. Hein, ça a été un peu essayé avec les sodas. Non, je pense que ça peut être un moyen. Après, les gens qui mangent beaucoup de sucre, c'est pas forcément les plus riches. Hein. Merci beaucoup l'un et l'autre. Merci beaucoup Anne-Françoise Burnol. Merci Bernard Pellegrin. Hein, je rappelle Sucre, enquête sur l'autre poudre. Votre livre consacré précisément à ces questions liées au sucre et à l'industrie agroalimentaire. C'est aux éditions Taillandier. Et puis j'en profite pour vous signaler que c'est aujourd'hui que commence le festival Paris Science, un festival consacré aux films scientifiques, hein, qui se déroule entre le cinéma Grand Action à Paris, le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Institut de Physique du Globe. C'est tout au long de la semaine. Vous avez le programme complet sur le site parisscience.fr où on vous met évidemment les liens sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Hugo Bartolomei, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Guilain Mèche à la technique et Jean-François Souvi au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture dans le Grain à Moudre tout à l'heure à 18h20. Hervé Gardette demandera à ses invités si les Espagnols veulent en finir avec l'Espagne. Et puis dans quelques secondes, juste après les titres de l'actualité, c'est une nouvelle semaine de LSD, la série documentaire. Cette semaine à bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes. Une série signée Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous partirons à la redécouverte de notre belle planète avec les équipes de l'expédition Planète Revisitée de retour sur la terre ferme. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.